suis en nage. Victoire et vite craquage. À côté un Boeing Stansolex. Ça clignote dur dans ma tête. Tourner la clé, faire parler la bête. Et les avoir en Pyrex. 5 heures du mat, personne dans les rues. Des arroseuses au hasard. Comme dit un type que j'ai bien connu. Je vais pas flasher sur un radar. Fait son jogging. Lucien Jackson rentre à peine. Georgette Derek a un peu le spin. Emboîte et là, pas eu de veine. Petit matin, dimanche jour de fête. Malbillon va faire un tour. Chacun son gras.